bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue pour la nouvelle de, émission de Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Alors, aujourd'hui ça va être une émission un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il va sortir un petit peu du cadre habituel des musiques underground, enfin plus ou moins. C'est-à-dire qu'on va faire une rétrospective de ce qui s'est passé dans les années 80 et 90. Et cela fait suite à différentes demandes concernant une certaine période. Il s'agit en fait de la période New Wave, Cold Wave, Gothic Rock et Bad Cave. C'est-à-dire que c'est une période qui a été extrêmement marquante, considérée comme la période peut-être probablement la plus riche en matière musicale, en particulier d'outre-Manche. Donc on va en fait traverser toute cette période qui a fait les années 80-90 et forcément il y aura des groupes plus ou moins connus, voire même très connus à travers cette playlist. Donc on sort du cadre en fait industriel, néo-folk, dark wave, etc. pour passer exceptionnellement à une playlist consacrée à cette fameuse période qui a tant marqué des néophytes autant que les musiciens, les artistes, etc. Donc vous allez en fait vivre en fait une période que moi j'ai connue à l'époque. Donc d'ailleurs j'ai été bercé à titre personnel. Donc on va commencer tout de suite avec un titre, on va en parler juste après avec un groupe. Il s'agit de Trisomie 21 avec le titre Last Song. We'll be right back. Voilà, voilà donc pour Trisomie 21. Alors, Trisomie 21, c'est un groupe. Alors, ils se sont produits encore récemment. Ils datent, hein. C'est un groupe quand même qui date des années 80. Et en fait, ils ont parcouru toutes les années entre 80 et 1990. Alors, à la base, c'est un groupe français. En fait, il a toujours été associé à un groupe belge, alors que c'est pas du tout cela. Ils sont originaires de Valenciennes. Voilà pour l'information. Il s'agit en fait d'une formation qui a été créée par des frères Lomprez, Hervé et Philippe Lomprez. Et en fait, les titres les plus connus, bah, c'est celui-ci, donc The Last Song, La Fête Triste et It's a Moi. Et au fil de leur existence, le groupe se sépare à deux reprises et revient finalement en 2017, comme quoi c'est assez récent, pour la sortie d'un nouvel album intitulé Elegance Never Dies. Voilà en fait pour Trisomie 21, qui est en fait un groupe assez atypique, hein, dans le style Danger, et assez inimitable, quelque part. Voilà donc pour Trisomie 21. On va tout de suite passer à deux titres intéressants, puisqu'en fait il s'agit de Minimal Compact et de Dance Society. Alors deux groupes qui ont marqué aussi les années 80-90, on en parle juste après. Ces deux titres, il s'agit donc de Minimal Compact avec Invocation, For Living To Come, et The Dance Society avec Wake Up, qui est en fait quelque part un tube de Dance Society. Donc voilà, on passe tout de suite donc premièrement à Minimal Compact. Thank you. donc le dernier titre de Dance City, c'était Wake Up, et c'était un maxi 45 hein, par rapport à ce titre. Il avait été d'ailleurs assez connu à l'époque, et donc il avait sorti un maxi 45. Alors juste avant, c'était Minimal Compact avec Invocation. Alors on va revenir tout de suite à Minimal Compact, parce que forcément c'est un groupe aussi qui a marqué son époque, à l'époque de la New Wave, la Cool Wave. Alors les membres fondateurs sont en fait Malka Spiegel et Sammy Birnbach. Alors en fait ils participaient à une scène punk hein, au départ, et ils s'installent à Amsterdam, et donc ils rejoignent un batteur en 1982 et donc forment le groupe Minimal Compact. Alors le groupe est réellement actif entre 80 et 88 quand même, avec 6 albums originaux, un album live, des participations à des projets collectifs, avec pas mal de choses. Alors l'album là que je viens de passer, enfin l'extrait de l'album que je viens de passer est quand même un album, un des plus connus de Minimal Compact, parce qu'il y a vraiment des titres tout à fait évocateurs de cette période. D'ailleurs Invocation, c'est un titre vraiment très... C'est des incantations, hein, Vocation, c'est comme des incantations. Donc c'est assez sombre, c'est extrêmement sombre. Voilà pour Minimal Compact. Alors ensuite c'était donc The Dance Society. Alors Dance Society, ils ont marqué quand même leur époque. Alors ils ont été affiliés au groupe de rock gothique. Hein, c'est un groupe anglais qui a été formé dans les années 80 et qui a en fait s'est séparé en 1987. Voilà, après une reformation en 2011. Alors ils ont un succès à peu près modéré au cours de leur carrière, plus ou moins. Alors quelques titres hein, connus comme celui-là, Wake Up, et quelques autres qui ont quand même marqué la scène en fait, rock gothique, new wave, cold wave. Et voilà pour Dance Society, avec l'apport, on sent bien l'apport de clavier hein, quand même extrêmement présent. Donc dans ce titre Wake Up de Dance Society. On va passer tout de suite à Chad Lover and Giant, pareil groupe des années 1980, et on en parle juste après. We'll be right back. Voilà pour Child Lover and Giant. Alors, Child Lover and Giant, c'est un groupe de rock britannique. Ils étaient originaires de Rixmansworth en Angleterre. Et en fait, leur véritable naissance c'est entre 1980 et 1983. Voilà. Le groupe, en fait, au départ, se forme en 80. Et la première formation comprend au chant Garage Simon Altar, Tristan Garel, Chris Iver et Nigel Pollard et David Wood. C'est un groupe en fait qui a marqué pas mal son époque, qui s'est reformé en fait à plusieurs reprises, trois fois. Voilà. Et chose étonnante, ils ont eu en fait une coupure de 18 années et ils ont ressorti donc un album en 2018, donc il y a pas de temps, il y a deux ans. Et ils ont enregistré leur 7e album en studio qui est sorti le 31 octobre 2018 et en fait l'album se nomme donc Machine Creep, sorti chez Vox Country Records. Donc voilà pour le groupe Style of War and Giant qui ont marqué aussi leur époque, l'époque New Wave des années 80. Voilà. On va passer tout de suite à deux titres. Donc il s'agira de Alien Sex Fine et du groupe Belcanto. Et ensuite on parlera de ces deux groupes qui ont marqué aussi la période, donc Belcanto, la période Evon Boys. Voilà. Tout de suite donc Alien Sex Fine avec Mindful Mangoes, un titre extrêmement connu tiré d'un album Maximum Security. Pour le titre, dernier titre, c'était Bel Canto avec un titre vraiment magnifique d'ailleurs, c'est Dewey Field. Voilà pour le dernier groupe Bel Canto. Alors on va en parler tout de suite de Bel Canto, on va repartir, on va revenir un petit peu plus haut avec le groupe Alien Soul Spine que j'avais passé. Avec le titre Mindful of Maggots de l'album Maximum Security. Alors voilà, pour Bel Canto, écoutez, c'est très simple. C'est un groupe qui vient à la base de Norvège, qui a été fondé en 1985, comprenant en particulier la chanteuse Anneli Drecker. Alors le groupe, apparemment, se serait formé dans la ville de Troms, qui comprend en fait l'université en... Petite anecdote, l'université la plus septentrionale de l'Europe. Voilà, pour l'information. Alors, au sein de Bel Canto, il y a eu Geir Jensen et bien sûr Henrik Johansen. Et il y a un des musiciens qui est parti en fait au fil des années, qui s'est séparé. Donc, ils se sont retrouvés à deux. Alors, les deux premiers albums du groupe Bel Canto sont marqués par des sons presque industriels, et ça, c'est vrai parce que au fil des. Enfin, si on écoute les deux albums, il y a des sons presque indus et ce qu'on appelle Ebony Voice, hein, la frange Ebony Voice, c'est-à-dire les voix langoureuses, un peu la Dead Can Dance, si on peut, on peut affilier ça à Dead Can Dance, etc. Des voix assez mélodieuses, assez profondes, presque mystiques. Voilà, donc c'est beaucoup d'apports en fait de synthétiseurs, etc. Et en fait la plupart des compositions sont faites à la base pour le groupe Bel Canto par Johansen et Jensen. Par contre aujourd'hui le groupe continue, c'est quand même il date, mais il continue toujours depuis 1985, et aujourd'hui ils sont plutôt dans ce qu'on appelle la world music. Voilà. pour le groupe Bel Canto. Alors, juste avant, j'en parlais, c'était Alien Sex Find. Alors, c'est un groupe affilié au rock gothique. Le rock gothique, donc, qui a eu son essor dans les années 85, à peu près, 82, 85, donc bien après un peu le mouvement punk. Donc, le groupe, en fait, il s'est démarqué en ne prenant pas au sérieux l'aspect sombre nul du mouvement. Voilà. En fait, faut savoir qu'Alien Sex Find, comme groupe, utilise l'autodérision et l'accès des traits caractéristiques de ce mouvement. Parce qu'en fait, dans les années entre 80 et 90, avec des groupes comme Bauhaus d'ailleurs, on va en passer là aujourd'hui du Bauhaus pour la 13e émission, et en fait, on trouve en fait des groupes qui en fait s'inspirent des films d'horreur des années 50, en particulier des films de la Hammer. La production Hammer, c'est une production, une société de cinéma, production cinéma anglaise qui en fait produit des films d'horreur comme Dracula, des choses comme ça. Et en fait, les groupes se sont extrêmement inspirés de certains écrits, poésie, cinéma, etc., imagerie en fait gothique. Et Alien Sex Find a cette particularité d'avoir fait, en fait, avoir appliqué, si vous voulez, cette image, mais dans une forme d'auto-dérision. Voilà. Le groupe se revendique en fait d'Alice Cooper, du rocker Alice Cooper, dont ils reprennent en fait les grands classiques. Voilà. Et il y a même certaines ressemblances physiques avec le chanteur Alice Cooper. Voilà pour Alien Sex Find. Voilà. Alors on aura remarqué dans le titre que j'avais passé l'apport de synthétiseurs qui en fait ont Alien Sex Find ont fait partie de cette mouvance qui a influencé un peu l'électro dans les années l'électro d'aujourd'hui dans les années 80 en utilisant des synthétiseurs répétitifs. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, voilà. Alors, on va continuer, bien sûr, Bel Canto avec Christian Death. On en parle tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Christian Death, avec Death Witch tiré d'ailleurs du deuxième album de Christian Death. Voilà pour Christian Death. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur Plus Siam Death, parce que c'est un groupe qui a vraiment, vraiment influencé toute la période des années entre 80 et 90. Une grosse période du rock gothique, ce qu'on appelle le genre Bad Cave. Voilà, alors c'est un groupe, ce qu'on appelle au départ, est affilié à la Death Rock américain. En fait, ils sont originaires de Los Angeles, en Californie, et le groupe est formé en 1979 par le chanteur, poète, écrivain, réalisateur et compositeur Rose Williams. Donc voilà, leur premier album, Only Theater of Pain, est publié en 1982. En fait, le groupe connaît vraiment une grosse période de gloire à travers un label français, et oui, un label bien de chez nous, qui s'appelle L'Invitation au Suicide, créé par Yann Farcy, un label havrais, voilà, de la ville du Havre, situé en Normandie. Comme quoi, rien dit au hasard. Alors, l'album, les albums de Plus Siam Death sont en fait parsemés de pas mal de choses, comme des écrits à l'intérieur des albums de Jean Lorrain, André Breton, etc. Voilà, faut savoir que le groupe s'est séparé en 1985 et c'est le guitariste Valeur, guitariste du groupe, qui reprend à son compte le nom et la destinée au long des années. Faut savoir que Plus Siam Death s'est reformé à plusieurs reprises et a continué encore récemment à se produire. Voilà, vraiment, ils ont vraiment une grosse influence dans le domaine du rock gothique. C'est assez impressionnant. Voilà donc pour Plus Siam Death. Et d'ailleurs, les productions sont tout aussi impressionnantes parce qu'il y en a des tonnes. Vraiment, il y a beaucoup d'albums, beaucoup de maxi 45, LP, live, etc. Vraiment, on trouve véritablement divers tendances. En plus, divers tendances au travers de leurs productions. Voilà pour Plus Siam Death. On va passer à deux titres d'ailleurs qui sont d'ailleurs assez liés au niveau du label, qui s'appelle le label 40ID, 4AD si vous préférez, et il s'agit de Clan Up, Zymox et Coulton Twins, et on en reparle juste après ces deux groupes, on en parle tout de suite. Voilà, donc Clan Zymox avec Medusa et Coulton Twins avec Lorelai. Voilà, voilà pour les deux titres qui viennent de passer. Donc, c'était Clan of Xymox et Cocteau Twins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces groupes-là? Bah, c'est assez énorme. Tout simplement que Clan of Xymox est connu aussi sous le nom de Xymox. En fait, c'est un groupe qui est né dans les années 80, enfin mi-80-90. Et ils ont eu une assez belle carrière. Ils ont été associés à des groupes comme Cop, c'est un groupe de rock gothique néerlandais. Voilà. Donc associé en fait au rock gothique néerlandais, originaire de Nimeg. Voilà, alors le groupe en fait a eu pas mal de productions et donc est associé au label 40ID 4AD, donc label dont je vous parlais tout à l'heure, donc un label anglais qui a vraiment eu une grosse période de production avec des groupes extrêmement bons, extrêmement originaux. Véritablement, c'est absolument énorme, hein. Ça part de Lush à Cocteau Twins, à Vince Mortal Call, à Dead Can Dance, etc., etc. Il y en a eu vraiment des temps. C'est assez énorme ce qu'a produit en fait le label 4AD. Et donc, faisant suite justement à ce titre de Clan of Xymox, Medusa, il y a eu le titre Lorelei donc de Cocteau Twins. Alors Cocteau Twins, c'est aussi énorme, voire même plus important, parce que c'est vraiment Cocteau Twins a vraiment marqué son époque depuis les années début 80. Alors c'est un groupe associé à la Heavenly Voice. Alors qu'est-ce que c'est la Heavenly Voice? En fait, c'est ce qu'on appelle de l'hétérol wave, d'après les sources anglophones et germanophones. Alors, germanophone, excusez-moi, c'est des termes liés en fait à de la musique atmosphérique qui fait la part aux belles voix féminines, éthérées ou féeriques. En fait, c'est une espèce de genre, un sous-genre musical de la dark wave et parent du néoclassique et de l'ambiance. Comme quoi, c'est quand même lié quelque part, plus ou moins, aux musiques qui sont passées lors des précédentes émissions, parce qu'on retrouve du néoclassique et de l'ambiance. Et le Heavenly Voice a eu vraiment ses ordres de couloir avec forcément le label 4AD, mais en même temps, en particulier en Angleterre, grâce à Cocteau Twins et Dead Can Dance. Ensuite, il y a eu vraiment d'autres groupes qui se sont affiliés au genre Heavenly Voice. Voilà. Pour la petite information sur le genre. Alors, c'est un groupe Cocteau Twins qui est né en 79 et à sa tête donc se trouve Elizabeth Fraser, Lise Fraser. Voilà. Et donc le groupe est composé de Robert Guntry, batterie guitare et de Will Edge à la basse. Voilà. Donc ils sont trois. Alors le groupe a reçu des éloges de la critique, dans le domaine différent. Pourquoi? Parce que en fait, Lise Fraser utilise une voix de type soprano qui est assez distinctive et d'ailleurs sa voix était considérée comme un instrument à part. Alors il y a quand même une particularité chez Cocteau Twins, c'est qu'en fait la chanteuse ne chante pas des paroles, mais utilise des techniques syllabiques de mélange de mots totalement fusionnés, si vous voulez, qui ne ressemblent en fait à rien, mais qui donnent en fait toute l'importance du ton en fait et du style, du genre et de la mélodie. Et c'est ça qui est important chez Cocteau Twins. Il faut savoir que Cocteau Twins, c'est une musique qui est décrite comme unique et sans affiliation. C'est assez rare de voir ça. Et donc au fil des albums, Cocteau Twins en fait au départ avait un peu un aspect un peu froid dans son style, et ensuite est passé à des mélodies nettement plus douces, nettement espèce de ballade mélodieuse au fil des albums. Voilà. Donc la production est quand même impressionnante. Il y a énormément d'albums. Je vous conseille le premier album et puis de commencer par le premier album et de finir par les derniers. Et vous allez voir le changement, mais toujours avec ce genre à part. Voilà pour Cocteau Twins, que je recommande fortement. Alors, on continue encore avec le label 4AD. Hein, c'est un des labels les plus importants et les plus prolifiques des années 80-90 avec This Mortal Call. Et on en parle juste après. We'll be right back. Voilà pour This Mortal Coil. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Donc, This Mortal Coil, ils ont fait partie donc du label 4D pour TIB. Et donc, c'est un groupe britannique. Alors, This Mortal Coil a une particularité, c'est en fait à la base, c'est pas qu'un groupe, c'est qu'un collectif. En fait, il est initié par Ivo Whitehouse, qui est fondateur d'ailleurs du label 4AD, et a fait participer des membres de nombreux groupes tels que Cocteau Twins, Colourbox, Dead Can Dance, Zagard. Le projet est connu pour son style musical orienté dream pop, et c'est avec ses trois albums et aussi au style Heavenly Voice. Voilà. Alors. Ensuite, This Mortal Coil a changé parce qu'il a été repris par Alison, la chanteuse Alison Limerick. Et donc, c'est un peu formé en tant que groupe à part entière. Parce qu'au départ, c'était effectivement un collectif pour retrouver véritablement, mais alors, des tas de chanteurs, hein, même des gens de camp Zimox, etc. etc. De Wolf of Press. De Ben Perry, etc. Et c'est vraiment absolument énorme. Donc c'est un groupe qui a quand même enfin un collectif au départ. Ce projet groupé a quand même extrêmement marqué par son influence, son style, son genre à part, avec un album Height Hill and In Tears, qui est en fait un album véritablement qui a marqué vraiment toute cette période et qui a lancé quelque part le genre Heavenly Voice, on peut vraiment qui l'a popularisé. Et particularité, c'est que dans l'album il y a un titre qui est utilisé, qui est chanté d'ailleurs par Liz Fraser, Elizabeth Fraser des Cocteau Twins, qui est extrêmement connu de par le monde, qui a été utilisé d'ailleurs pour des publicités. Voilà, pour la petite anecdote en ce qui concerne This Mortal Coil. On va passer tout de suite par deux titres. Il s'agit du groupe néerlandais Flu et du groupe anglais The March Violet. Et ensuite, on en reparle tout de suite après ces deux titres. pour donc ces deux titres qui viennent de passer, c'était donc Flou et The March Violet. Alors Flou, c'est un groupe néerlandais. Donc voilà, ils ont sorti un premier album chez Torso qui s'appelle Vista, qui est d'ailleurs extrêmement connu. Ils sont affiliés plutôt à la Cold Wave, à la première Cold Wave, en fait, la première mouvance Cold Wave des années 80. Et donc c'est une sonorité assez spéciale, comme vous l'avez entendu là avec leur titre. C'est une sonorité assez spéciale. Alors le titre de Flou, c'était Topic, tiré donc, je vous disais, de l'album Vista. Alors ça peut être un groupe qui peut ressembler étrangement à Minimal Compact sur certains aspects, parce qu'il y a des morceaux au sein de l'album Vista, c'est un 8 titres et donc pas grand chose, enfin pas beaucoup de morceaux sur cet album, mais néanmoins de très bonne qualité, puisque il y a des titres comme Esma Faria ou Sometime qui ressemblent mais étrangement à Minimal Compact. Voilà, entre autres, pour l'anecdote, c'est un musicien de Tuxedo Moon qui est au saxophone, voilà pour ce titre sur Topic. Ensuite, c'était March Violet avec Undertow. Alors, March Violet, c'est un groupe anglais de rock gothique qui a été formé en 1980 à Leeds. Voilà, alors le groupe se compose de deux personnes qui en fait sont accompagnées par une boîte à rythme avec guitare et ligne de basse. Donc s'influence de Sister of Mercy. Il faut savoir que le groupe March Violet a atteint les indie charts en Angleterre avec leur single. Et la compilation Natural History a également eu un succès dans les charts indépendants, atteignant la 3ème place en 1984. C'est assez énorme. On a remarqué quand même sur March Violet une certaine puissance de la basse, une basse omniprésente au fil de l'album. C'est vraiment, alors là, c'est vraiment imposant. En tout cas, l'album est, la compilation est excellente. Voilà, pour la, je vais revenir sur l'album, sur le label 4AD. Et donc j'avais oublié de vous citer quelque chose. Il y a une compilation qui est sortie en 1987. Alors, on peut la retrouver, hein, cette compilation. On peut la retrouver, elle a été rééditée. Personnellement, c'est une compilation qui va vous permettre de vous familiariser avec les productions 4AD. Forti Aldi. Donc c'est la compilation Lonely is on Azor. C'est une compilation qui est sortie en 1987 et qui regroupe des groupes comme Colorbox, Vince Mental Call, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Clan Xenox, etc. Les groupes qu'on vient de passer tout à l'heure. Et je vous la conseille parce que véritablement elle retranscrit parfaitement les productions de l'époque et en particulier ce label. Voilà pour l'information. Alors, on va continuer tout de suite avec un groupe qui a marqué son temps aussi dans les années 80. C'est le groupe The Sound, tiré de l'album The Party, I Come Escape Myself. Et vous allez voir, c'est vraiment sympathique à écouter et ça n'a pas pris une ride. All my Voilà pour The Sand, donc un groupe qui a marqué aussi son époque, évidemment. Alors c'est un groupe associé en fait au genre post-punk et à New Wave. Alors il est originaire de Londres, donc il est formé par Adrian Barland en 1979. Il est auteur, le groupe est auteur quand même de 7 albums. Et la séparation du groupe s'est faite en 1987. Alors, faut savoir, le groupe repose fortement sur la personnalité de son chanteur-guitariste Adrian Barland. Voilà, sur scène, ce dernier, dont le chant appliqué évoque parfois certains timbres, attire en fait la reconnaissance d'un public restreint mais fidèle. À cette époque, le groupe tourne en Europe et donc se popularise pour le moment plus lors de leur passage aux Pays-Bas. Assez étonnant d'ailleurs. Donc le groupe va vraiment marquer son empreinte avec cet album, donc Jeopardy, donc ce titre que je viens de passer, enfin un des titres de cet album, et il y a trois albums qui vont marquer en fait le groupe, c'est Jeopardy, From the Lion's Mouth et All Fall Down en 82, et les albums ont eu quand même c'est de très très bonnes critiques. Malheureusement, le groupe reste sur un succès mitigé, à l'exception encore des Pays-Bas. Voilà, pour le groupe The Sand, franchement, c'est un groupe à écouter parce que tout simplement qu'il a marqué son époque, qu'il a été présent et que c'est un style quand même assez à part d'ailleurs, assez inimitable. Voilà pour ce que j'en pense, du moins de The Sand. Alors on va passer tout de suite donc à The Cure et à deux titres, à deux groupes connus. Là cette fois-ci c'est deux groupes connus, donc The Cure et Killing Joke. Alors deux groupes connus dans leur domaine, bien sûr. The Cure peut-être un peu plus encore que Killing Joke, mais qui était vraiment commercial à un moment. Donc on va passer ces deux titres. Il s'agit de Charlotte Sometime pour The Cure, tiré d'un album live qui s'appelle 1984, et bien sûr le tout premier un titre, le tout premier album de Killing Joke, c'est Requiem, un titre très connu de Killing Joke qui reste assez intemporel d'ailleurs. Donc voilà, on en reparle tout de suite après ces deux titres. I'm losing. Voilà pour les deux titres qui viennent de passer. Donc il s'agissait bien sûr de The Cure avec Charlotte Sometimes, tiré de l'album 1984. Et bien sûr le dernier titre là c'était Killing Joke avec Requiem. Alors on va passer donc tout de suite à l'explication de tout ça. Alors The Cure, alors vous connaissez sûrement The Cure, alors, sûrement certains d'entre vous moins certaines d'entre vous connaissent The Cure, parce que c'est un groupe quand même qui a complètement marqué son époque. Il est né en 1978, à sa tête le chanteur comprend toujours actuellement, mais alors actuellement, hein, depuis 78, depuis là nous sommes en 2020, Robert Smith. Donc il y avait Simon Gallup, etc., Rick Gabriel, c'est Jason Cooper au sein du groupe, mais le seul membre présent depuis son origine, il est parolier principal compositeur, c'est Robert Smith. En plus d'être chanteur et guitariste, il joue également du clavier et de la basse, comme quoi il est vraiment multi-instrumentiste. Alors, le groupe The Cure est associé au mouvement New Wave dès son départ. Dès 1978, il est associé au mouvement New Wave, à la nouvelle résurgence hein, de la pré-punk. Et donc, The Cure a développé un son qui lui est propre, avec des ambiances mélancoliques, gothiques et parfois psychédéliques sur certains de leurs albums. C'est une entité véritablement spécifique parce qu'elle est aussi visuelle à travers les clips qui ont composé en fait l'histoire de The Cure, de nombreux clips, et en fait quelque part les fans se sont appropriés le genre vestimentaire de Robert Smith. Et d'ailleurs je me souviens, pour l'anecdote c'est assez marrant, il y avait ce qu'on appelait la Cure Mania, en fait, c'était des millions de jeunes qui s'identifiaient à Robert Smith en s'habillant en noir avec des cheveux en pétard, voilà. Alors c'est assez amusant parce que c'est un côté un peu adolescent, mais quelque part, le fond musical de Cure est extrêmement puissant, intéressant, riche, etc. Donc, le jeu Cure a traversé le monde, a eu des tubes à n'en pas finir, des périodes commerciales, mais alors ce qui est assez étonnant dans leur période commerciale, c'est que leurs titres ont gardé l'identité. Ils n'ont jamais dénaturé l'identité, mais ça a fonctionné. C'est assez rare, hein, c'est assez rare quand même dans le monde de la New Wave et la Cold Wave, etc., d'avoir un groupe aussi connu en gardant toujours la même identité. Et je pense que c'est dû au génie de Robert Smith. Donc c'est vrai que à partir de là, The Cure a véritablement apporté sa pierre à l'édifice, au mouvement New Wave Cold Wave, en apportant une ambiance sombre, parfois dépressive, et des amoureux aussi de mélodie pop. Et d'ailleurs, The Cure conserve toujours un auditoire fidèle, c'est assez incroyable, depuis 1978. Voilà ce qu'on peut dire en fait de Cure, assez rapidement, hein, parce qu'il y aura toute une histoire à raconter. Bon, voilà pour ce groupe. Alors, deuxièmement, il y avait donc Killing Joke. Alors, Killing Joke avec son chanteur emblématique, Jesse Coleman. Alors, il s'appelle Jesse parce qu'en fait, son père était musicien de jazz. Alors c'est un groupe de rock britannique, hein, de Notting Hill, qui a été formé en 1979, à l'époque de la période post-punk, new wave et rock gothique. Et il a fortement influencé des groupes comme Nirvana, Metallica, Ministry, Soundgarden, Marilyn Manson, etc. Alors on lui doit apparemment, on doit en fait au groupe Killing Joke le grunge. Selon leur père, selon les pères en fait de la musique, c'est qu'en fait on doit à Killing Joke le grunge, qui sont en fait sûrement peut-être les précurseurs du genre grunge, qui aujourd'hui quand même rentré dans la confidentialité depuis la fin du groupe Nirvana. Et alors le chanteur est vraiment charismatique. Je pense que le groupe tient par son leader, Jesse Coleman, qui est vraiment impressionnant sur scène. Alors il faut essayer de voir des vidéos un peu de Killing Joke, c'est assez impressionnant. Par moment, c'est quelqu'un qui est véritablement en rapport avec le mystique, la religion, le mystique, etc. Et c'est vraiment sympa. Alors le groupe a une particularité, c'est qu'il a un style musical totalement à part. C'est un style véritablement iconoclaste, si on peut dire. Ils ont perdu leur bassiste dans les années 90, et donc suite à ça ils ont changé un peu de style, mais toujours en restant, enfin changé de style plus ou moins, mais toujours tout en restant avec l'esprit Killing Joke. Donc voilà. Donc la production de Killing Joke est absolument énorme en termes d'albums, de live, de maxi 45, etc. Killing Joke existe toujours, font toujours des albums. Donc ils sont toujours là et c'est pratiquement les mêmes musiciens, même toutes les bassistes, un nouveau bassiste, et sinon ce sont les mêmes musiciens, j'espère même, Jordi à la guitare, etc. Et donc le groupe est toujours présent parmi nous, c'est totalement incroyable. Je vais peut-être parler de Killing Joke. Voilà. On va tout de suite passer à un groupe pop, alors Pop New Wave, Lush, qui en fait reparle encore de la label 4AD. Et on va s'écouter ce petit titre pop du label 4AD, du groupe Lush, c'est For Love. Encore 4AD avec le titre For Love. Alors le groupe Lush, a fait pas mal d'albums, a eu d'ailleurs une période commerciale. C'est un groupe de rock britannique originaire de Londres et tous leurs titres sont composés et chantés par la chanteuse Nikki Berenil et Emma Anderson. Alors faut savoir que le groupe a mis fin en 1996 suite au décès d'un musicien. Et ils se réunissent en 2015 et se séparent à nouveau encore en 2016. C'est un groupe qui a marqué le label indépendant 4AD, qui a apporté une certaine originalité, mais pas que, parce que il y a quelque chose qui peut un peu ressembler en termes de son à un autre groupe de 4AD, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit des Cocteau Twins. Et il semble quand même que la guitare, au fil des productions Cocteau Twins et Lush, la guitare ressemble étrangement à Cocteau Twins. Et on sent quand même qu'elle est quelque part qu'ils font bien partie de 4AD. Hein. C'est une signature dans le domaine sonore du label 4AD. Voilà. Donc c'est un très bon groupe. Et d'ailleurs, le titre est tiré de l'album Spooky, que je vous recommande, parce qu'on sent véritablement sur certains titres qu'il y a une espèce d'univers cher à 4AD qui est proche de Cocteau Twins. Voilà. Pour ce que j'en pense, en tout cas, à titre musical. Voilà, on va passer de titre maintenant à la suite. Il s'agit de Suxy and the Banshees, un groupe qui a marqué aussi son époque. Et bien sûr, un groupe mythique, Joy Division. Et on juste après ces deux titres, on en parle juste après. Whispering in flashback, the space. Voilà pour les deux titres qui viennent de passer. Donc nous avions Suxy and the Banshees et Joy Division. Alors pas des moindres hein, les deux groupes quand même pour la période, les périodes qui nous concernent entre 1980 et 1990. Pour Suxy c'était le titre Sweetest Child et Glass pour Joy Division. Voilà, alors on va passer tout de suite à un petit peu à l'historique un peu de Suxy. Alors, au départ, il était classé rock alternatif britannique, originaire de Londres. Donc, il a été formé tout de même en 1976, bien avant le mouvement punk, et c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que Suxy a fait partie de la scène punk, ensuite de la scène post-punk. Voilà, comme quoi, elle a vraiment un gros historique en termes de créativité musicale. Donc, alors, Suxy a une influence majeure en ce qui concerne, c'est vrai, la New Wave. Et exactement la même influence que Joy Division ou The Cure ou The Smiths. Et en fait, c'est un groupe qui a influencé une multitude d'artistes comme PJ Harvey, Sound System, Massive Attack, Team in the Radio, Black Party, etc. C'est vraiment un groupe qui a marqué son époque. Alors, faut savoir que Suxy, c'est intéressant parce que le son s'est radouci au fil des albums. Au départ, avec la sortie de Hong Kong Garden, un titre qui a eu un certain succès dans 1979, je crois. C'était assez rock, un peu rock new wave punk, mais ça s'est radouci, comme le titre d'ailleurs qu'on vient d'écouter. C'est un titre assez doux en fait. Et en fait, ça marque la grande époque new wave, cold wave de Suxy and the Banshees. Véritablement, c'est incontournable. Hein. Si on reconnaît cette époque, cette grande époque, c'est absolument incontournable. On est obligé de passer par Suxy and the Banshees. Ensuite, il y avait donc Joy Division. Alors, Joy Division, c'est exactement pareil. C'est un groupe aujourd'hui qui est mythique dans son histoire. Alors, il est né, le groupe Joy Division est né pareil comme Suxy en 1976 et à sa tête Ian Curtis, le chanteur qui est décédé à 23 ans en 1980. Et donc au sein du groupe, Peter Hook, Stephen Morris et Bernard Summer. Alors, le groupe au départ s'inscrit dans la mouvance post-punk. Ensuite, a changé dans les années 1979 avec la sortie de No Pleasure, d'album No Pleasure, et passé de la Cold Wave. Et donc, Ian Curtis est considéré comme une voix mortifère et un conteur sépulcral. Voilà, par les meilleurs spécialistes du genre. Le groupe se dissout en 80, bon forcément après la mort de Ian Curtis, et forme ensuite New Order, un New Order qu'on va s'écouter juste après d'ailleurs. Alors il y a une petite polémique sur le nom de Joy Division. En fait, Joy Division, c'est la traduction littérale de l'expression allemande Freud Nap Beitlung, le terme de division de la joie qui désignait une partie des camps de concentration organisant l'exploitation sexuelle des détenus par l'armée allemande. Ian Curtis choisit ce titre après la lecture du roman The House of Dolls de Yael Denour. L'ambiguïté de ce nom vaudra au groupe une suspicion de sympathie pour le néo-nazisme. Voilà, alors plusieurs autres éléments alimentaires cette idée, la pochette d'un Ideal for Living. On voit en fait dans la pochette Un idéal pour les lignes de 1978, on voit un jeune de la jeunesse hitlérienne avec un tambour, tout un programme. Malgré que ça, le groupe est inspiré toujours avec un caractère cold wave gothique. Le groupe a des suspicions juste après, enfin son histoire a des suspicions parce que New Order ça veut dire ordre nouveau, qui désigne dans les années 30 des groupuscules qui s'appelaient ordre nouveau, des groupuscules d'extrême droite, etc. Des groupes soit identitaires allemands, etc. Et le groupe a toujours quelque part cultivé l'ambiguïté, et même New Order aujourd'hui cultive encore l'ambiguïté. Donc c'est vrai que c'est resté au sein du groupe. Néanmoins, de toute façon, le groupe marque de son empreinte presque un mythe, une mythologie hein, à travers Joy Division, parce qu'il existe déjà dans plusieurs albums, il n'y en a pas beaucoup. Mais ensuite, il y a eu des albums, des réenregistrements, etc., etc. Donc aujourd'hui, ça compte véritablement, ça se compte par dizaines. Et des Maxi 45, etc. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur Joy Division. Il y a eu un film, Control, qui a été fait. D'ailleurs, le film Control est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de voir Joy Division sur scène. Ian Curtis sur scène. Je vous conseille de le voir. Hein. C'est sur la vie de Ian Curtis en particulier, mais avec forcément l'histoire de Joy Division quand même en parallèle. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire de Joy Division. Donc obligatoirement, encore d'un point de vue historique, c'est totalement incontournable. Passer à côté de ça, c'est quasiment impossible si vous voulez faire votre culture underground. Si on veut dire, parce qu'à côté de Joy Division, c'est une grave erreur parce que ils ont apporté tellement de un style unique, de spécificité dans la façon de faire de la musique que aujourd'hui c'est une référence. Voilà ce qu'on pouvait dire donc Joy Division. Alors on va passer, et bah juste après, ça tombe bien puisqu'on passe à New Order, donc à l'après Joy Division. Donc un album qui date de 80, de 1981, et donc le titre c'est Dream Never Ends, donc la fin d'un rêve. Alors je pense que c'est peut-être lié quelque part à la fin d'un rêve, Dream Never Ends, à la fin de Joy Division, parce que en fait l'album sort juste après le dernier album, après la mort de Ian Curtis. Donc voilà, on va écouter donc Dream Never End de New Order, et donc à sa tête, c'est Bernard Sumner, donc le guitariste qui chante après la mort de Ian Curtis, et c'est tout à fait intéressant. Voilà, et New Order, on connaît, hein, avec tous les albums qu'ils ont fait, le succès aussi qu'ils ont eu, à travers de nombreux titres, de nombreux singles. Voilà pour le groupe New Order avec à sa tête Bernard Sumner, donc l'après Joy Division. D'ailleurs, c'est un album, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'après Joy Division. Alors, New Order, c'est absolument énorme. Ils ont fait même des tubes, hein, carrément, des tubes. Le groupe est resté le même en fait tout au long de ses productions. Il y a eu de la séparation de Peter Hook quand même, du bassiste, sur les dernières années, mais le groupe quand même est véritablement, on peut pas passer à côté, pareil de New Order, qui a apporté un autre son de l'après Joy Division, et forcément je conseille d'écoute de ce groupe pour votre histoire, voilà, pour l'histoire que vous pouvez faire des années qui est entre 1980 et 1990, alors on peut parler jusqu'à 2000, New Order, et même encore aujourd'hui, hein, de toute façon. Donc voilà, alors pour l'information, il y a un podcast qui traîne sur internet avec en 4 parties je crois, c'est sur l'histoire de Joy Division, où Peter Hook, Bernard Summer, Stephen Morris parlent en fait de Joy Division et de New Order. Donc c'est, ils retracent en fait l'histoire eux-mêmes, ils sont interviewés par un journaliste et apparemment c'est écouté. Voilà, donc ça c'était pour l'information, j'ai pas encore écouté, mais d'après les informations que j'ai, c'est quand même assez impressionnant. De toute façon, on connaît, il y a plein de détails qui sont tout à fait intéressants. Voilà, alors on va passer, deux titres à la suite. Alors il s'agit de Dead Can Dance, alors forcément, on revient sur le label 4AD. Alors Dead Can Dance avec un titre Frontière. Et on passe par un groupe anglais, The Chameleons, View from Hyle, pour leur titre, qui est en fait issu de l'album de Squeak of the Bridge. Et donc on revient tout de suite après le passage de ces deux titres. A tout de suite. pour donc The Chameleon, ce dernier titre qui était passé, c'était The Chameleon avec You from Harim de l'album Spirit of the Bridge. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire des deux titres qui viennent de passer? C'est simple. Dead Can Dance avec son titre Frontière. Alors le titre Frontière de Dead Can Dance, il vient de la compilation dont j'ai parlé tout à l'heure, Lonely Eye Hazel, sur le label 4AD. Alors Dead Can Dance, souvent appelé en fait par ses fans DCD, voilà, est un groupe britannico-australien originaire de Melbourne en Australie, composé essentiellement de baryton de Brendan Perry et de la contralto Lisa Gerrard. Voilà, ce groupe est quand même formé en 1981 et se sépare en 98 pour une reformation en 2005. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Dead Can Dance? Alors c'était le fer de lance, quand même le fer de lance, la figure de proue du label 4AD en Angleterre, et aussi mythique Cocteau Twins, Bauhaus, Pixies, Turning Leaves, etc. Alors, ils ont développé, quand même, Dead Can Dance a développé un univers assez spécifique, puisque Brendan Perry et Lisa Gerrard ont développé une sorte de cold wave originelle vers des musiques d'inspiration liturgique et médiévale aux sonorités incantatoires, voire magiques, et avec des emprunts fréquents de différents continents. Et c'est ça qui est intéressant dans Dead Can Dance, c'est que vraiment vous allez rentrer dans quelque chose qui est véritablement quasi mystique. Quand vous écoutez les albums de Dead Can Dance, c'est quasi mystique, hein, c'est presque religieux. Voilà, c'est emprunt de spiritualité à l'écoute. Alors, une anecdote, du moins un détail et pas des moindres. Faut savoir que Dead Can Dance, la chanteuse Lisa Gerrard a participé à la musique, du moins à la musique de fin du film Gladiator, du film américain Gladiator, tourné par Ridley Scott, un film avec un immense succès planétaire. Et il faut savoir que la musique de fin, du générique de fin, c'est Lisa Gerrard qui chante, de Dead Can Dance, voilà pour les détails. D'ailleurs, c'est une très belle musique, au demeurant. Voilà pour ce qu'on peut dire, en fait de Dead Can Dance. Alors, autre, c'était à la suite de Dead Can Dance, c'était The Chameleons, avec son titre tiré de l'album de Spirit of the Bridge. Alors, Chameleons, c'est un groupe, alors, qui a malheureusement, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Je m'explique. C'est un groupe qui a été formé dans les années, au début des années 80, est composé en fait à la base du chanteur bassiste Mark Burgess, de Ray Gillies, Dave Rubin et du batteur John Miller. Le groupe se sépare en 87 après 3 albums. Le dernier album, c'est l'album Strange Time, en fait produit par Geffen, qui était une grosse boîte internationale. En fait, Chameleons devait passer à l'international. Il devait en fait normalement avoir un succès planétaire. Et ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a eu des problèmes de production. Voilà, au sein de cet album, du dernier album. Alors, en 1990, les Chameleons sortent un petit album posthume, qui s'appelle Tony Fletcher, Walked on Water. Et en fait, c'est une hommage à leur agent disparu. Voilà. Les Chameleons reviennent en janvier 2000, etc., pour refaire d'autres albums. Et c'est la mort, en fait, le 13 mars 2017, c'est la mort de John Miller, le batteur du groupe. Et donc, Chameleons joue toujours sans le batteur, mais joue toujours actuellement. Et aujourd'hui, c'est le Chameleon Vox, voilà, pour le groupe, le nom du groupe. Faut savoir que Chameleons, c'est un son assez spécifique, puisqu'ils utilisent en fait du chorus sur la guitare. Donc c'est un son qu'on n'entend pas obligatoirement souvent sur les groupes. C'est un chorus en fait très mélodieux, Et de plus, Chameleons a quand même, et aujourd'hui, rentré pratiquement dans la légende. Alors c'est assez étonnant pour un groupe qui, en fait, méritait un certain succès qu'il n'a pas eu, aujourd'hui est connu comme un groupe qui est une référence indispensable, incontournable de la musique new wave, wave rock, rock wave. Et les meilleurs albums sont, pour moi, Spook of the Bridge et White Doves and Men Basically. Même Strange Time est intéressant. Dans sa production. Personnellement, je conseille Spook of the Bridge parce que c'est vraiment un magnifique album. Et vous allez voir, c'est à écouter, c'est empreint de nostalgie. Il y a beaucoup de titres nostalgiques qui font référence à l'enfance. Et c'est la particularité de The Chameleons à travers cet album. Voilà, donc franchement, je vous conseille cette écoute, c'est vraiment excellent. Voilà, on va passer tout de suite à un groupe phare du rock gothique, bien sûr, c'est The Sisters of Mercy. Incontournable lui aussi, et on reviendra après un petit historique sur ce groupe à Modern English et Suxy. Ah non, après The Opposition, excusez-moi. Voilà, alors tout de suite, The Sisters of Mercy avec un titre connu d'ailleurs du groupe, c'est Marianne. We'll be right back. Voilà pour donc ce dernier titre de Sister of Mercy, c'était Marianne. Et donc Sister of Mercy, c'est pareil, c'est un groupe qui a marqué son époque. Et donc le groupe est en fait affilié en fait au rock gothique. Donc il est originaire de Leeds en Angleterre. Il a été formé en 1980 par Andrew Eldritch et Gary Marks. Voilà. Alors, Andrew Eldritch déclare que le nom du groupe est inspiré d'une chanson de Leonard Cohen où la locution de Sister of Mercy désignait alternativement un ordre religieux. Voilà. Et des prostituées. Comme quoi, assez étonnant. Alors, très influent dans le milieu gothique, hein, dans le milieu BTF, gothique, etc. Et c'est vraiment un groupe qui a marqué quelque part le milieu gothique, le milieu BTF. Et donc, leurs concerts sont souvent décrits comme une expérience incluant des nappes de fumée épaisse accompagnées de chaînes lumineuses. En fait, c'est assez spécial, hein, c'est quand même assez étrange. Mais, alors, on a reconnu quand même la voix d'Andrew Eldritch. C'est une voix, une espèce de sépulcrale profonde qui nous vient un peu du trottoir. C'est ça qui est assez étonnant. Et ils avaient un style vraiment propre, très sombre, l'impression un peu qui sortait de la mort, quoi, qui sortait du monde de la des morts. Et c'est assez, assez étonnant de les voir, mais enfin de les écouter aussi d'ailleurs. Donc le groupe s'est séparé à plusieurs reprises. Et ils ont eu plusieurs groupes comme Rose of Avalanche, Fiona Nephilim, Sisterhood. Ce sont des groupes en fait qui ont été rattachés à Sister of Mercy. En quelque part, ce qui tourne autour de Sister of Mercy, c'est vraiment quelque chose de très prolifique au niveau artistique. Hein, c'est assez énorme. Alors je vous conseille le titre, l'album d'où tire le titre Marianne, c'est Fierce Last on the Way. Et donc je vous conseille parce que c'est vraiment une référence du milieu. Et c'est vraiment assez spécifique de l'époque. On sent bien vraiment l'époque de l'époque. Voilà pour Sister of Mercy. On va passer tout de suite à deux titres. Ensuite, on mettra un dernier titre pour clôturer l'émission. Alors, deux titres à la suite. Il s'agit de Modern English et The Opposition. I wanted you. You didn't know how much I needed you. Shadows on the wall, staring from the bed. Pent up frustration, fit to explode. Got a tear in the eye. You didn't want me. Didn't know how much I want to know. Voilà, voilà pour le titre de Modern English qui est tiré de l'album Match Hellas. C'était l'album Dance of Devotion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de Modern English ? Alors, tout simplement que c'est un groupe qui a signé aussi pour l'album 4AD, Fortiadi. Donc, on peut vraiment associer ce groupe véritablement à une approche typique un peu du jeu de vision à travers l'album. Bon, peut-être pas ce titre, mais en tout cas, le groupe a une certaine influence. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Modern English? C'est un groupe qui vient du Royaume-Uni, dans l'Essex. Le groupe change de nom avec Modern English parce qu'en fait au départ il s'appelait The Leapers. Et en fait il signe chez 4AD après 1979 et il sort l'album donc Match Hellas, d'où il tirait le titre que je viens de passer en 1981. Donc très influencé par Joy Division. Et ils enregistrent une deuxième session chez Jumping Session en 81, qui a eu un certain succès. Il faut savoir que aussi ils ont rajouté ensuite des synthétiseurs, etc. à travers leur production, qui les a en fait associés à des groupes extrêmement connus comme Duran Duran, The Simple Mind, comme quoi. Donc ouais, c'est assez étonnant de faire l'évolution. Et ils ont été classés dans les Billboard, ils ont rendu d'ailleurs. Suite en fait à la révolution, plus de 500 000 albums, quand même, ce n'est pas rien. Voilà pour Modern English. Je conseille en fait particulièrement cet album parce que c'est le plus expérimental, c'est le plus intéressant, je trouve, de leur période, des débuts, enfin du moins quand ils ont signé chez Fortiadi. Donc je vous le conseille. Voilà, on va passer tout de suite avec The Opposition et un autre groupe, The Psychedelic Force. On parlera donc deux titres à la suite. Alors j'en ai rajouté un, j'en ai pas rajouté The Psychedelic Force, mais je le rajoute en fait. Ça fera deux titres à la suite avant le dernier pour clôture l'émission. Donc voilà, tout de suite on passe avec The Opposition et un titre I Forgot What's Love, et ensuite The Psychedelic Force avec Love My Way, un titre très connu. Le dernier titre, c'était Love My Way par The Psychedelic Four, et avant c'était The Opposition, bien sûr, avec un titre tout à fait sympathique, vraiment de l'époque, hein. It's What's Love. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on peut dire The Opposition au départ? C'est un groupe au départ qui a été classé post-punk britannique au début des années 80. Il était formé en 1979 et il publie, en fait, l'opposition publie son premier single Very Little Glory sur un label indépendant, et ensuite ils vont s'orienter vers une espèce de new wave début des années 80, et ils vont sortir en fait deux albums, enfin ils vont sortir plusieurs albums déjà, mais il y a vraiment deux albums qui vont marquer. C'était Promise et Empire Days, et Promise et Empire Days sont vraiment les deux meilleurs albums de The Opposition, où on trouve ces espèces de guitare chorus omniprésentes tout le long des titres, une espèce de guitare chorus assez profonde. Et il faut savoir que The Opposition a eu quand même un certain succès, en particulier même aux États-Unis. C'est assez impressionnant parce que c'est un groupe de rock, enfin c'est un groupe anglais, qui est en fait fondé par Mark Long, et ils ont été classés dans les billboards hautes aux États-Unis à la 41e place, c'est assez énorme. Donc, classés aux nominations des MTV vidéo de la semaine avec le titre Are You Sure This Place? Voilà, et donc Are You Sure? Voilà. Et donc, à partir de là, le groupe a connu un certain succès et a eu véritablement de très bonnes critiques sur la production. Mais je pense que quand même, les deux meilleurs albums de The Opposition, si vous pouvez vous y intéresser, au début des années 80, c'est l'album Empire Days et The Promise. Enfin, Promise. Vraiment, c'est vraiment les deux meilleurs albums. Vraiment, je les conseille fortement. Voilà. En ce qui concerne The Opposition. Autre, c'était donc à la suite The Psychedelic Course avec Love My Way, le titre Love My Way tiré de l'album Forever Now qui date de 1982. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de The Psychedelic Force? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ils se produisent toujours. Et oui, il y a eu un single qui vient de sortir le 31 janvier 2020, enfin qui est sorti cette année, Don't Believe, annonciateur du premier album studio du groupe depuis 29 ans. 29 ans qu'ils n'avaient pas sorti un album. Et donc l'album a été repoussé au 31 juillet 2020 à cause de la pandémie du Covid-19. Et là, c'est incroyable, c'est parce que le groupe, ce qui est totalement incroyable, c'est que le groupe est toujours présent. C'est-à-dire qu'il a été formé dans les années 80, il était associé au mouvement New Wave. Ses plus célèbres morceaux qui ont été classés, c'est Sister Europe, Pretty in Pink, Love My Way, donc celui qu'on vient de passer, et The Ghost in You. Alors, il faut savoir que il y a un titre particulièrement qui a marqué la période du groupe et qui est même en fait qui a sorti le groupe dans une période extrêmement commerciale, en particulier aux États-Unis. C'est le titre Pretty in Pink. Le titre en fait fait partie intégrante du générique du film Rose Bonbon, Pretty in Pink du même nom, est inscrit sur l'album Toto Talk. Et ce titre, Pretty in Pink, a eu un gros succès aux États-Unis. Donc à partir de là, le film donc est sorti, etc. Et Psychedelic Course est passé par une période très commerciale avec un album un album dont ils sont pas fiers, enfin du moins le chanteur Richard Butler n'est pas fier, c'est Midnight to Midnight, un album extrêmement commercial qui a été produit aux États-Unis, et on peut dire que c'est pas le meilleur album des Psychedelic Course, mais voilà, il reste la voix de Richard Butler, etc. Et le groupe a donc eu son succès, mais n'a peut-être pas eu le succès qu'il méritait au niveau de l'ensemble des continents. Et c'est bien dommage, parce que véritablement, vraiment les albums sont excellents. Aujourd'hui, Psychedelic Force a quand même une certaine renommée, hein, comme quoi toujours les groupes ont toujours, souvent après leur mort, souvent lorsqu'ils changent de musicien, etc., gardent quand même une certaine renommée suite à leurs anciens albums. Donc Psychedelic Force est véritablement un groupe comme ça qui a marqué son époque. Bon, je dis tout à l'heure avec The Chameleons. Voilà donc pour Psychedelic Force. Conseil de vous y intéresser pour ce qui est du début des années 80, parce que en particulier des albums Toto Talk et The Forever Now. Alors The Forever Now, c'est celui qui m'a inspiré moi dans les années 80, je l'ai acheté à l'époque, hein, lorsqu'il est sorti en vinyle, comme quoi voilà, j'étais présent, et c'est un album véritablement superbe. Je vous le conseille, et la voix quand même atypique de Richard Butler, une espèce de voix un peu débranlée, un peu alcoolique, hein. Pas comment on peut l'associer cette voix là, mais c'est vraiment, vraiment un album qui m'a beaucoup marqué, et je vous le conseille. Voilà, alors on va passer à un dernier titre, on va passer à The Chameleons. The Chameleons, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, qui m'a groupe britannique qui m'a bercé un peu aussi au début de mon enfance, enfin mon adolescence. Et donc c'est It's Annie Wonder, tiré justement de l'album éponyme, qui est un album posthume, hein, Tony Fletcher. Donc j'espère en tout cas cette émission vous a plu. Elle a été longue, elle a duré plus de 2 heures. J'espère en tout cas ça vous a permis de traverser toute cette période, alors à la fois connue et méconnue pour certains, méconnue pour les néophytes, pour les plus jeunes peut-être. Alors quoi que j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes sur Twitter, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes qui s'intéressaient à cette période et qui m'avaient sorti des noms de groupes comme The Chameleons alors qu'ils ont à peine 20 ans. Donc tant mieux, ça veut dire que quelque part il y a des gens qui s'y intéressent, il y a des jeunes qui s'y intéressent. Et donc voilà, alors je m'excuse aussi auparavant de ne pas avoir mis tous les groupes de cette période parce qu'il aurait été impossible de mettre tous les groupes de la période entre 80 et 90. Pourquoi ? Parce qu'il y en a trop. Tout simplement, l'époque est trop prolifique et donc ça m'aurait fait une émission de 4 heures. Hein. Ça aurait été trop long. À la rigueur, il aurait fallu peut-être la faire en deux parties. Enfin, néanmoins, j'ai pris ce qu'il y avait de plus exhaustif en fait au niveau des productions, au niveau des artistes, etc., au niveau des titres que moi-même j'ai connus. D'autres que j'ai moins connus, mais au moins d'avoir un panel en fait général de ce qui s'est passé lors de cette époque, ce qui a permis en fait de garder quelque part une certaine culture, une culture forte musicale qui a propulsé de nombreux groupes qu'on écoute aujourd'hui, qu'on a écouté dans les années 2000, etc., de la pop rock, etc. Et énormément de ces playlists, énormément de groupes ont influencé les groupes d'aujourd'hui ou les groupes d'il y a 10 ans. Donc voilà pourquoi a été faite cette émission. Et elle garde aussi ce côté historique, historique important, c'est historique, garder l'histoire en fait de toutes ces périodes un peu pseudo-commerciales, qui aussi en fait entre la New Wave, la Cold Wave et le gothique, rock gothique, Bad Cave, etc. Voilà, donc pour la 13e émission, ce fut assez exceptionnel, très long. J'espère en tout cas ça vous a plu, laissez un commentaire, etc. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, maintenant, il y a une chaîne YouTube qui sera exclusivement active en live. Donc, passez-y de temps en temps, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui s'appelle Last Underground. Passez-y, n'hésitez pas et... prochainement, je vous mettrai des annonces sur les prochaines émissions en live. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, à une prochaine pour la 14e de Last Underground. Yes.